Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens. Alors nous allons nous intéresser au concile mérovingien. Pourquoi un chapitre sur les conciles mérovingiens? En effet, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de la dynastie mérovingienne, de ces francs de première génération qui ont fait la transition entre l'Antiquité tardive et la féodalité, et non pas l'Église. Pourtant, si l'on peut parler de concile mérovingien, c'est qu'il a été possible à cette époque, décrite comme barbare, de rassembler de grandes quantités d'évêques dans un même lieu pour se pencher sur des sujets pastoraux assez terre à terre, comme sur des sujets dogmatiques qui demandent plus d'élévation, plus de silence aussi et de calme. Ou bien la France mérovingienne était bien ce chaos que nombre d'historiens se plaisent à décrire, ou bien survivait en un certain ordre, une certaine discipline, qui jette une lumière nouvelle sur cette époque. Il est vrai que lorsque l'on se penche sur le contenu des canons, ces règles de l'Église, on peut voir les conséquences des troubles des royaumes francs. Cependant, aucun évêque n'a eu à subir de pression pour sa participation à un concile, même lorsqu'il était présidé par le roi. Après avoir décrit donc la forme des conciles mérovingiens, nous nous intéresserons à leur contenu. Alors pour ce qui est de la forme, il faut savoir que l'assemblée d'évêques, que l'on appelle concile, peut se rassembler au niveau de la province ecclésiastique, en premier. En effet, la province ecclésiastique est une héritière de l'Empire romain, et elle est présidée par le provincial, ou un évêque, qui a le titre de primat, et qui a la fonction modeste de coordonner l'action des évêques de sa province. En Gaule, il y a à peu près 12 provinces ecclésiastiques. Les conquêtes franques en ajoutent deux autres. Et même à l'époque vraiment la plus étendue du royaume franc, on se retrouve avec 16 provinces ecclésiastiques, ce qui est énorme. Le concile peut se rassembler au niveau du royaume neustrien, aussi, donc ça c'est le deuxième type de concile. Donc un concile au niveau du royaume, mais pas du royaume franc, mais du royaume du sous-royaume, soit le royaume neustrien, soit le royaume austrasien, et soit le royaume bourguignon. Alors en général, ces rassemblements de conciles intermédiaires donc, sont des rassemblements un peu involontaires, qui s'expliquent par la division qui existe entre ces trois royaumes, mais aussi par la nécessité d'appliquer en réalité les décisions qui ont été prises dans un concile d'un des sous-royaumes, dans un autre sous-royaume, en rassemblant un nouveau concile. Étant donné que les rois qui se partageaient ces sous-royaumes, tout en sachant qu'il n'y avait qu'un seul royaume, et c'était le royaume franc, eh bien étaient un peu jaloux de leur pouvoir. Donc c'était une façon pour eux aussi de compter leurs alliés parmi les membres de l'Église. Et voilà, donc ça c'est un des aspects des conciles, donc les conciles par sous-royaume. Et enfin, il y a la formule préférée de l'Église et des rois francs, la formule favorisée d'ailleurs, ce sont les conciles nationaux, comme les divers conciles d'Orléans ou même ceux de Paris. Quand ils se réunissent donc dans la ville d'Orléans ou de Paris, en général, ce sont des conciles nationaux qui rassemblent vraiment les évêques des 12 provinces ecclésiastiques, sinon des 16 provinces ecclésiastiques. Alors, concernant les participants, donc si les premiers participants sont surtout des gallo-romains, ils constituent une majorité écrasante lors du concile d'Orléans de 511, ils ne représentent plus que 40% des participants lors du concile de Paris en 614. Les 60% restants portent des noms francs, ce qui ne veut pas dire forcément que ce sont des francs, mais en tout cas, ils ont préféré avoir des noms francs. Alors, concernant la fréquence, quand on connaît les difficultés de déplacement et l'état des routes, on peut s'étonner de l'optimisme affiché par les nombreux conciles. Les pères conciliaires n'exigent rien de moins que la réunion d'un concile provincial par an. Un autre texte exige en outre la tenue de deux synodes par an. Et les punitions contre les évêques absents, sans raison valable, sont très sévères. Interdiction de célébrer la messe pendant un an, et puis d'autres sanctions à peu près similaires. Quant au choix des lieux, cette organisation aurait dû être laissée aux soins de la coutume. Les premiers rois francs, d'ailleurs, font d'Orléans la ville où se tiennent les conciles nationaux. À Reims siègent les conciles de la province ecclésiastique correspondante, comme à Soissons, autre chef-lieu de province. Pourtant, ce sont des considérations politiques qui vont beaucoup influer le choix des lieux. Le concile de 614 se réunit à Paris, pour affirmer l'unité du royaume franc, dont Clotaire II est devenu le seul roi légitime depuis la mort de ses deux cousins. Le concile de 585 se tient à Mâcon, en territoire bourguignon, car le roi de Bourgogne, Gontran, veut préserver ses intérêts contre les entreprises des grands de Neustrie et ceux d'Austrasie. Maintenant, nous allons donc aborder dans un prochain podcast les thèmes traités par ces conciles. Merci beaucoup de votre patience et à très bientôt.